Allô, allô, Foxymox est de retour avec vous en ces temps de crise. Je m'excuse d'ailleurs à tous ces autres bonnes émissions qui ont dû nous céder leur place. Un petit pouce levé au Lobster qui nous cède sa place le temps de la pandémie. Pour votre info, Foxymox est maintenant confiné dans les studios du 89.3 CJPM Chicoutimi. Confiné pour ma sécurité, je suis seul dans le studio. Les portes sont barrées, je ne sors plus. Ça va bien aller. Pour ma première nuit dans le studio, j'ai dormi dans mon sac de couchage North Face, étendu sur un matelas de camping autogonflant. Et en me levant, la première chose que j'ai fait ce matin, c'est de dessiner un arc-en-ciel dans tous les vides de la station. C'est important, je crois. Malheureusement, comme je n'avais que deux crayons de couleur, tous mes arcs-en-ciel sont noirs et blancs. Ensuite, en attendant le début de l'émission, j'ai colorié un gros mandala qui ressemble à rien. Ça m'aide à ne pas perdre la raison. Votre émission L'égayeur de nuit est présentement en direct et sera diffusée tout le temps qu'il faut. Tant que la noirceur nous entoure, je reste avec vous. Tant que la pandémie nous entoure, je reste à vos côtés. Je veux personne qui se sent seul. On lâche pas la gang, ça va bien aller. D'ailleurs, tout ce brouhaha médical, ça me rappelle que mon grand-père, Léopold Mox, animait l'émission Des ondes et des hommes dans les années 20 lors de la grande pandémie de grippe espagnole. Et maintenant, 100 ans plus tard, c'est à mon tour de prendre les ondes pour insuffler un peu de joie dans vos chaumières. Ça me rend un peu émotif. C'est le temps. Servez-vous une bonne tisane. Je vous promets que la bonne humeur va être au rendez-vous toute la nuit. C'est pourquoi on y va avec des musiques un peu plus entraînantes. que ça fait du bien. La musique va tous nous guérir. Je vous parlais plus tôt de mon grand-père Léopold qui avait animé une émission d'après-guerre en 1920 lors de la grande pandémie de grippe espagnole. Et cela m'a immédiatement fait penser à la reine Élisabeth II qui, dimanche le 5 avril 2020, a fait une annonce à la nation britannique où elle encourageait elle-même les Britanniques à tenir le coup, à ne pas lâcher. On écoute une petite partie de son message. Mon peuple bien-aimé, des conseillers soucieux de ma sécurité m'ont mis en garde de paraître devant vous par crainte d'une trahison. Mais je vous l'assure, je ne veux pas vivre en me méfiant de mon peuple fidèle et bien-aimé. Que les tyrans aient peur. Quant à moi, j'ai toujours placé en Dieu ma plus grande force et ma sûreté dans le cœur loyaux et la bienveillance de mes sujets. Donc, c'était la reine qui encourageait son peuple à la résilience. Après son discours, elle est d'ailleurs sortie dans les rues pour enlacer et embrasser les gens qui marchaient près du château Windsor. Et soyez-en rassurés, la reine ne court aucun danger en lien avec la pandémie. Le médecin en chef des armées britanniques l'a d'ailleurs confirmé, elle va tous nous enterrer. Ayant elle-même survécu à la peste noire en 1350, la reine a déjà contracté la variole à deux reprises en 1534 et en 1784, ainsi que les germes de la tuberculose en 1801. Il semble donc d'ores et déjà acquis que celle qui a aussi ri au nez du choléra et de la grippe espagnole ne risque rien de ce nouveau virus, quel qu'il soit. Je lui souhaite donc en votre nom et en mon nom de vivre encore des centaines d'années. N'en déplaise au prince Charles qui n'a aucune chance de lui succéder. C'était d'ailleurs très beau de voir la reine quitter sa demeure en fin de soirée. La reine semblait toute souriante et pimpante de vie alors qu'on la voyait se faire conduire à Buckingham Palace où elle doit animer et participer à un rave party. C'est elle-même qui doit manier les tables tournantes pour faire danser les oiseaux de nuit, alors que tous les fonds amassés seront remis à l'Institut Torchwood pour lutter contre les ennemis extraterrestres. Si vous êtes prêts, moi je suis en tout cas, on va débuter cette émission spéciale pandémie de l'égayeur de nuit. Et comme à l'habitude, je vais vous lire quelques messages que j'ai reçus. On commence avec un de nos habitués. Notre oiseau de nuit préféré en fait, c'est Bat Martin qui nous a écrit pour nous donner de ses nouvelles. Et comme à son habitude, il commence par un petit poème que je vous lis. Le titre de son poème de cette semaine semble très inspiré. Le poème se nomme « Mon ami et héros Batman ». Donc ça va comme suit. Dans l'ombre, il est caché, il surgit toujours au bon moment pour arrêter les méchants qui sont en train de voler. Il mène une double vie, il est un homme riche et célibataire. Personne ne soupçonne qu'il n'est pas ordinaire, car la nuit, il est l'homme chauve-souris. Tout en noir, il est habillé, les bandits ont peur de lui, quand il surgit de la nuit pour les arrêter. Avec ses yeux blancs, une technologie surdéveloppée et son adresse au combat surentraînée, il est aimé des enfants. Qu'il soit peur ou babeur, Batman est mon héros. Batman est mon ami. Ça va bien aller. Voilà un beau poème de Bat Martin. Sa lettre maintenant. Sa lettre dit « Allô Foxy Mox, encore bravo pour ton émission. Au nom de tous les oiseaux de nuit, je te remercie pour ton émission. Quand on t'écoute, on se sent moins seul. Ici chez moi, dans les bois, tout va bien. Les premières semaines de la pandémie sont passées et on est bien organisé maintenant. On fait notre propre pain. Les enfants font du casse-tête et attrapent des chauves-souris le soir. Et dès qu'on a froid, on s'emmitouffe toute la famille dans nos grosses doudous princières pour t'écouter. C'est d'ailleurs à cause des enfants que je t'écris cette semaine. Ils avaient une question pour toi. Ils ont besoin de tes conseils. Sacré pain et entourloupette demandent « Qu'est-ce qu'on va faire avec nos cheveux si le confinement se poursuit trop longtemps? » On a peur de ressembler à des enfants préhistoriques. Bon, c'est une bonne question de tes enfants, ça, et je suis sûr que d'autres enfants d'oiseaux de nuit se posent la même question. C'est sûr qu'avec Internet maintenant, nos enfants sont au courant de tout. Et je sais qu'ils ont vu des images d'enfants du Jurassique. Ils ont raison d'avoir peur. Leurs cheveux en broussailles, coupe préhistorique, faisaient peur. J'ai donc pris la peine aujourd'hui, durant la journée, de contacter les gens de Coiffure Boga sur la rue Bégin à Chicoutimi pour avoir des conseils de spécialistes. Et eux, leur conseil est d'utiliser des produits coiffants pour maîtriser les mèches rebelles en attendant la réouverture des salons. Mais bon, c'est un conseil comme un autre. Mais moi, j'ai quand même des doutes. Donc, sacré pape et entourloupette, si mon oncle Foxy Mox peut vous donner un conseil, je pense que l'heure où les commerces de coiffure vont réouvrir est encore loin. Et à la vitesse que j'ai vu pousser mes propres cheveux dans les derniers jours, je crois que la meilleure solution est de les couper nous-mêmes. Donc, je vous dirais de simplement vous trouver une bonne paire de ciseaux et d'y aller d'une bonne coupe franche. Ça peut même être transformé en jeu. Chacun coupe les cheveux l'un de l'autre. Ça risque d'être amusant. Bien sûr, je vous conseille de le faire pendant que vos parents ne regardent pas. C'est encore plus rigolo de leur faire la surprise après. Et même si c'est pas vraiment droit à la fin, c'est pas bien grave. Vous retournerez pas à l'école avant des mois. Donc, ça a amplement le temps de repousser. Donc voilà, un autre dossier de réglé. C'était tout pour le message de Martin. Tout va bien dans sa petite famille, donc je vous souhaite à toi et à ta petite famille un bon confinement. Pour les enfants, je sais que l'école vous manque, mais les ressources s'organisent. Aujourd'hui, Télé-Québec passait le premier vidéo éducatif sur ses ondes. On le repasse donc ici en ondes des fois que certains enfants ne l'auraient pas entendu. C'est un vidéo pour permettre à vos enfants de maintenir leurs acquis en sciences de la nature. Hello, motherfuckers! Aujourd'hui, on parle d'un animal qui est un esti de badass who doesn't give a shit, le fucking cacajou! Évidemment, le cacajou est un petit calice de mange-marre, un esti de pain in the ass pour tous les animaux de la forêt. Son of a bitch! Le fucking cacajou est excellent pour grimper aux arbres. C'est pourquoi on le surnomme le zaché de la forêt. Quand je me suis marié, mes quatre garçons d'honneur, c'était catastique carcajou, colis! Le fucking carcajou est un animal qui est petit, hirsute et malodorant. Si vous faites une petite balade en forêt et que vous tombez sur un nasty de carcajou, y'a pas mille solutions. Faut sortir son gun, puis vous vous tirez une balle dans la tête. So long, motherfuckers! Bref, le carcajou est un petit calice de mange-mal qui mériterait qu'un coup de poing bien placé sur le museau. Comme quoi, dans les forêts, il y a des astis de volées qui se parlent. See you later, Dini! Eat shit and die! Maintenant, après ce message éducatif, plusieurs d'entre vous se sont sûrement demandé où est Bob, car je ne l'ai pas présenté en début d'émission. Eh bien, Bob est là. Et oui, Bob est enfermé dans la régie. Il a décidé, tout comme moi, de s'enfermer ici pour qu'on puisse poursuivre l'émission. Donc, merci à Bob à la technique qui va me permettre de vous rejoindre où que vous soyez. Car maintenant, avec la diffusion sur Internet, je pense que même les astronautes dans la Station spatiale internationale nous reçoivent. Bien sûr, avec un différé d'une trentaine de secondes. Mais quand même, on est partout, l'égayeur de nuit est rendu interspatiophonique. Bon, maintenant que tout est placé, je pense qu'on peut se permettre un petit peu de musique pendant que Bob ouvre les lignes. Donc, je vous le rappelle, le numéro, c'est le 272-1212. Appelez, que vous soyez du Grand Chicoutimi, La Terrière, Jonquière, Arvida, l'Abbé, Saint-Félix, en Saint-Jean, Saint-Fulgence. Je sais que j'en oublie, mais je sais que vous êtes là. On vous aime, je vous aime, on prend vos appels au retour. En attendant, grâce à Bob à la régie, on se fait plaisir et on se connecte directement à Londres, où Sa Majesté la Reine Elisabeth II vient tout juste d'arriver à Buckingham Palace et commence son set de musique. On l'écoute en direct dans l'égayeur de nuit, notre monarque, chef d'état-major de 16 états du royaume du Commonwealth, DJ Majesté. Bon, de retour en studio, on retournera peut-être un peu plus tard au rave party de la reine. Pour l'instant, Bob me dit que les lignes de Bell ont disjoncté, trop d'appels. DJ Majesté a mis le feu dans l'antenne et vous, nos oiseaux de nuit, vous avez mis le feu à nos lignes. Mais ça me réchauffe le cœur de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à vouloir participer. Pendant que Bob règle ce petit problème pour vous permettre de participer à l'émission, je vais continuer avec des messages que j'ai reçus. Heureusement, on a des oiseaux de nuit prévoyants qui nous laissent des messages sur le répondeur avant l'émission. On a ainsi reçu un message de Luce, la belle Luce de Canton-Tremblay. Elle travaille comme inhalothérapeute et a des craintes pour l'équipement de protection qui risque de manquer. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, Luce. On aurait des fournitures pour plusieurs jours. Et c'est dû à plusieurs compagnies qui se sont relevées les coudes et se sont fait le bas de pantalon. Il y a Disney qui vont produire des masques. Comme vous savez, la franchise de Star Wars est maintenant dans le giron de Disney. Et heureusement, ils ont déjà une ligne de production pour produire des masques de Dark Vader. Donc, avec de simples modifications à la chaîne de production, ils vont être en mesure de produire des masques Darth Vader N95. Donc, ne faites pas le saut, on va bientôt voir toute la gamme des masques de Disney et de Star Wars dans nos hôpitaux. D'après ce que j'ai compris, ceux qui sont au front vont avoir droit à la gamme complète de Star Wars, qui inclut les masques de Stormtrooper et de Boba Fett. Disney prévoit aussi produire des masques de Mickey et de plusieurs de ses films à succès, comme Tigrou et Winnie l'ourson. Donc, ça risque d'être joyeux dans nos hôpitaux. Et avouez-le donc, qui a pas le goût de se faire soigner par une jolie infirmière portant un masque de Chewbacca? Je serai le premier à y aller. Il y a aussi Sport Expert qui vient d'annoncer qu'il va donner 200 000 gants de baseball pour aider à la pénurie de gants dans les hôpitaux. Les gants en cuir sont réutilisables et lavables, donc ça devrait aider. Et pour les jaquettes, il y a tous les costumes de l'émission La Petite Vie qui ont été donnés à l'hôpital de Chicoutimi pour aider. Car on va se le dire, c'était bien bon dans le temps, mais cette émission a très mal vieilli. Donc, je dirais aux infirmières de ne pas gêner d'utiliser les costumes et les user à la corde. Question d'être sûr que l'émission ne revienne pas. Donc, Luce, j'espère que tu es rassuré. Vous ne manquerez pas d'équipement dans les hôpitaux. Ça va bien aller. peu plus tôt, je vous ai parlé des astronautes de la Station spatiale internationale. Et durant la pause musicale, on a reçu un message d'Oleg Shriboshkra, ingénieur de vol à bord de l'ISSS. Il nous a laissé un message. Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления. Bon, je pense que c'est pas tous nos oiseaux de nuit qui parlent russe, donc je vais traduire. Oleg disait donc, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, nous allons bien, nous sommes maintenant ici dans le compartiment du vaisseau spatial Soyouz MS-09, où une faible perte de pression atmosphérique a été enregistrée. Mais on peut quand même être à bord du Soyouz et de l'ISS sans scaphandre et personne ne bouchonne le trou, comme certains médias pourraient l'avoir laissé entendre. Donc, nous ne manquerons pas d'oxygène. Mais si vous avez du papier de toilette, on en prendrait bien quelques rouleaux. Sinon, tout est calme à bord. Donc, tout semble bien aller à bord de l'ISS. Il y a quelques trous dans les navettes Soyouz, mais ça semble sous contrôle. Et heureusement, pas de virus ou de pandémie dans l'espace. Et si jamais j'avais un conseil pour toi, Oleg, je vous dirais simplement de vous prendre un abonnement à Amazon Prime. La livraison est le lendemain si vous commandez avant 17 heures. Donc, vous pourriez avoir du papier cul assez vite. D'ailleurs, parlant de l'espace, j'ai lu que les voyages privés vers la station spatiale allaient être bientôt prévus. Et oui, la NASA a déjà dévoilé le coût de ces voyages, 58 millions de dollars pour les astronautes privés. Donc, il n'y a pas que le papier cul que vous allez bientôt voir arriver dans la station. Follow the doctor's dad. Everybody talking to their pockets. Everybody wants. A box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Ouh, y a Bob à la régie qui me fait des gros signes d'arc-en-ciel avec ses bras. Il me dit que DJ Majesté est en feu en ce moment. On se connecte donc un instant à Londres pour l'écouter. La vieille est en feu, on retournera l'écouter un peu plus tard. Pour l'instant, de retour à notre pandémie, notre affreuse pandémie. Et je ne peux pas vous en parler sans parler de courbe. Et oui, on vous le répète, il va falloir aplanir la courbe de natalité. Avec tous les couples du Québec qui sont cloîtrés en ce moment dans leur maison, qu'est-ce que vous pensez qui nous attend dans 9 mois? On va tout juste être sorti de la pandémie que nos hôpitaux vont être pris d'assaut par les hommes ou femmes enceintes. Donc, il faut écouter le bon docteur Horatio, il faut essayer d'aplanir ça. Même moi, seul en studio, vasectomisé, j'ai peur. Peur que la cigogne vienne me porter un couple de jumeaux dans 9 mois. Ça me tente tellement pas. Je repense au grand schtroumpf quand la cigogne lui a apporté le bébé schtroumpf. Méchante surprise, vous auriez dû lui voir la face. Donc, on vous le répétera jamais assez, lavez-vous les mains et protégez-vous aussi, ça peut aider. Allez, on prend un premier appel. Sujet libre, Bob, ouvre les lignes, on vous écoute. On a Serge en ligne, Serge qui est camionneur et qui habite sur la rue Gainsbourg à Normandin. La nuit est à vous, laissez parler vos émotions. J'aimerais que l'on répète quelques-uns des plus beaux aphorismes. Mais avant Serge, pouvez-vous nous dire c'est quoi un aphorisme? Un aphorisme, c'est une pensée concise. C'est ça un aphorisme. Par exemple, la queue c'est féminin, le con masculin, question de genre. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. On a une autre. Doit-on dire un noir ou un homme de couleur? Tout ceci n'est pas clair. Qui promène son chien est au bout de la laisse. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. C'est très songé, ces aphorismes, Serge. Donc, merci de votre appel. Plutôt, un de mes amis a aussi appelé. Il a laissé un message sur le répondeur. C'est mon ami Étienne. Il semblait découragé. Je vous raconte son histoire. Étienne a toujours eu un rêve. Depuis qu'il est jeune, Étienne rêvait de chanter. Étienne a donc suivi un parcours musical. Et durant son parcours musical, Étienne a choisi un instrument. Il en a appris à jouer. Et maintenant, rendu au moment où il maîtrise son art, où il joue des mélodies incroyables, Étienne est découragé. Il ne peut pas chanter en même temps qu'il joue, car Étienne s'est perfectionné dans la flûte traversière. C'est donc difficile pour lui, sa flûte l'inspire, il aimerait chanter en même temps, mais à chaque fois qu'il se met à chanter, sa flûte se tait. Donc Étienne m'appelait un peu triste, il se demandait quoi faire. Eh bien, ton histoire est assez triste, Étienne. Ça montre encore une fois que les petits formulaires qu'on nous fait remplir à l'école pour déterminer dans quel domaine on devrait s'aligner plus tard, ça fonctionne pas toujours. Mais heureusement, Étienne, la technologie est là pour toi. Je te conseille simplement de t'enregistrer à la flûte et de chanter par-dessus par la suite. C'est pas plus compliqué que ça. Comme quoi, Foxymox peut quand même vous aider à régler certains problèmes. Sur ce, on se fait un petit plaisir avec un petit peu de musique. Un peu de musique de confinement à écouter dans un bon bain chaud. Oh, la dernière chanson à Millefeux au studio. Bob et moi, on était tous les deux debout et je peux vous dire que ça dansait. Maintenant, un auditeur nous a demandé des suggestions de films à écouter durant le confinement. Je vous livre trois de mes choix. Des choix qui, je l'avoue, sont en dehors du circuit de Netflix. Qu'est-ce que j'écoute? Eh bien, dans les derniers jours, je me suis relancé dans l'écoute des vieux films de Louis de Funès. Ça me fait toujours rire. J'ai réécouté dernièrement L'aile ou la cuisse. Dans ce film, Louis de Funès joue le rôle d'un guide gastronomique du nom de Duchemin. Et son fils, joué par Coluche, joue le rôle de clown dans un petit set qu'il a monté. Quelques jours avant la parution du nouveau guide, Duchemin apprend que l'industriel Tricatel, PDG d'une chaîne de restauration de nourriture industrielle, fortement présente sur le réseau autoroutier français, envisage d'élargir ses activités en rachetant un certain nombre d'établissements auxquels le guide Duchemin devait décerner des récompenses au fil des visites annuelles. Pire encore, Tricatel semble déterminé à ternir la réputation de Duchemin en le ridiculisant publiquement au cours d'une émission de télévision. Bien décidé à défendre ses valeurs, Duchemin va embarquer son fils contre son gré dans une ultime croisade contre la malbouffe. Ajoutez à ça une jolie secrétaire duquel le fils tombe amoureux et on a un joli scénario de film qui fait sourire. Louis de Funès a des tonnes de bons films à son actif. Pour une longue soirée théâtrale, vous pouvez toujours vous lancer aussi dans L'Avare, qui dure quasiment 2 heures. Un autre bon choix de film, avec Pierre Richard cette fois-ci, La moutarde me monte au nez. Pierre Duroy, joué par Pierre Richard, brave professeur de mathématiques dans un lycée de jeunes filles, est également le fils du maire de la ville, le chirurgien Hubert Duroy, et l'ami de Patrick, le photographe d'un journal à scandale. Un jour, ses élèves, pour lui faire une blague, échangent le contenu de 3 dossiers contenant des copies à corriger, un discours de son père et un article pour Patrick sur l'actrice Jackie Logan. Tout s'en trouve chamboulé et Pierre arrive tant bien que mal à rétablir la situation. Pourtant, au moment de récupérer les copies qu'il avait données par erreur à Patrick, Pierre se retrouve sur le tournage du film de Jackie, puis par un concours de circonstances finalement, il passe la nuit chez elle. Le lendemain, la presse à scandale fait ses gros titres de cet événement au grand désarroi de Hubert Duroy et de Danielle, la fiancée de Pierre. Donc ça, c'est un bon film à écouter si vous avez la chance de le trouver, La moutarde me monte au nez. Et finalement, le film qui est le prochain dans ma liste à écouter, Les sous-doués passent le bac. Le synopsis est simple. Les élèves d'un cours privé multiplient les facéties et tentent de décrocher leur bac sans se fatiguer. Je vous en dis pas plus, faites-vous la surprise de l'écouter. Comme L'aile ou la cuisse de Louis de Funès, c'est un film de Claude Zidi, un réalisateur qui a dû réaliser 50% de mes films favoris. Donc voilà, c'était quelques-unes de mes suggestions pour vous aider à passer au travers de la pandémie. Comme ce sont de vieux films, ils sont faciles à trouver en streaming ou en téléchargement. Et comme je crois que la musique va aussi nous aider à passer au travers de la crise, on y retourne. Un peu de musique pour se remonter le moral. Allez, on lâche pas. Il y a encore des beaux gros vers de terre cachés dans le sol qui n'attendent que la saison de pêche ouvre. We're gonna speed up now. Yeah, I'm gonna speed up now. And give you the rest of my energy. Truth in a hole. 89.3 avec votre hôte Foxy Mox. Foxy Mox qui vous apporte une bonne nouvelle. Les sondages BBM sont sortis et ils viennent de dévoiler les données du printemps pour la radio. Un sondage sur les postes radio du Grand Saguenay et une fois de plus, Foxy Mox doit vous dire merci Merci de m'écouter. Le 89.3 se classe encore premier dans le cœur des gens. Notre émission Les Gayeurs de Nuit est heureuse de contribuer au succès de la station qui, dans le sondage sur 4 stations, arrive première après CKRS, CKJ, Jonquière et Rouge FM. Donc, merci à vous. C'est maintenant le temps, et oui, vous le savez, nos habitués le savent, nos oiseaux de nuit vont reconnaître notre petite musique d'intro pour le prochain segment. Eh oui, on est rendu là, la portion questions sans réponse. C'est ce moment où Foxy Mox répond à vos questions pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver de réponse. On a Luc Gauvin, un bichon maltais, qui nous demande « Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne? » La réponse est assez simple, Luc. L'air a beau être de l'air, à l'intérieur du pneu, sa situation est différente. Même si ça n'en a pas l'air, l'air est une substance complexe. Mais pour faire une réponse courte, si le pneu est en contact avec la route, ce qui arrive souvent, son enveloppe est écrasée par le facteur et revient à sa forme initiale, à la vitesse de la rotation. Donc, avec le bon timbre et la force centrifuge, la pression de l'air augmente vers la bande de roulement, ce qui met l'air en mouvement, mais pas à la vitesse ni dans le sens de la rotation du pneu. Donc oui, l'air bouge, mais elle bouge comme du linge dans une sécheuse. On a Robinson Crusoe de Chicoutimi-Nord qui demande « Qu'apporterais-tu sur une île déserte? » Robinson, j'ai le goût de te répondre ceci, une petite devinette. Si une femme se retrouve piégée sur une île déserte, qu'elle n'a pas la possibilité de quitter car cette dernière est entourée de montagnes. Le vent souffle de l'est vers l'ouest. La femme se situe à l'ouest. Un feu se déclenche à l'extrémité est. Comment la femme doit-elle faire pour arrêter l'incendie et ne pas mourir? Si tu trouves la réponse, je te dirai ce que j'apporterai sur une île déserte. On a Andrzej Majma qui demande « Le pain est-il plus facile à rompre que le silence? » Foxy prit le pain, le bénit, le rompit et le donna. Est-ce qu'il le fit en silence? Aha! On a Judith de Péribonka qui demande « Peut-on arrêter les comètes en plein vol? » Oui, bien sûr, tout à l'exception de la comète Dali, qui est déjà sur son air. On a Lise de Saint-Félix qui me demande « Le Monopoly est-il dangereux pour les enfants? » Eh bien, première précaution, en début de partie, je vous conseillerais de restreindre leur choix de pinouche. Le chat, le cheval et la chaussure sont des pions sécuritaires pour les enfants. Ensuite, en pleine partie, je conseillerais à vos enfants d'éviter la prison et de se tenir loin des réparations. Martin, du quartier des oiseaux, demande « À quoi reconnaît-on le slip de Darth Vader? » Eh bien, la réponse est simple, on le reconnaît à son côté obscur. On a Jean de l'école La Fontaine qui demande « Le corbeau et le renard sont-ils en couple? » Eh bien, selon le journal La Semaine, ils étaient en couple et se sont séparés l'été passé. Le corbeau est parti avec Marjolaine Morin. Et fait intéressant, si les corbeaux sont souvent associés à la mort, à la sorcellerie ou au mauvais œil, ces oiseaux tout de noir vêtus n'en restent pas moins des animaux fascinants. Saviez-vous qu'ils peuvent imiter les sons humains? On écoute. Voilà, j'ai rien compris. On a Gédéon, qui aime le patinage artistique, qui nous a écrit pour nous dire que le jambon va être en spécial chez Maxi cette semaine. Dieudonné Lablanche saison de Robert Val demande « La nudité est-elle un manque d'imagination? » Je ne crois pas. Moi, Foxy Mox, j'ai l'habitude d'animer cette émission flambant nue et je ne crois pas manquer d'imagination. Donc non, la nudité n'est pas un manque d'imagination. On a Jean-Marc Parent qui demande s'il peut flasher ses lumières. Oui, tu peux à 8h30. Il y a Jessica de Rivière-Éternité qui nous a envoyé un dessin. Mais il n'y a pas de question sur son dessin. Tout ce qu'on voit, c'est un schtroumpf qui est en train de tomber d'un arbre. Donc moi, je te retourne une question, Jessica. Si tu nous écoutes, de quelle couleur sera le schtroumpf après être tombé par terre? On a Rodrigue de Lens-Saint-Jean qui demande « Si le but d'un jeu est de perdre, comment faire pour gagner et comment faire pour perdre? » Donc, c'est très simple, Rodrigue. En fait, il faut déjà préciser où on va gagner ou perdre, si on gagne ou on perd dans ce jeu. Si, par exemple, c'est dans le cadre d'une compétition, alors c'est simple, il faut perdre dans le jeu pour gagner la compétition, ou inversement, sinon, c'est dans le jeu en question. Alors là, c'est simple aussi. Dès qu'on a un perdant dans le jeu en question, le jeu s'arrête et le premier qui a perdu dans le jeu sera nommé gagnant et les autres perdants. C'est tout. On a Nicolas Laprise qui habite dans un refuge pour itinérants qui nous demande pour la troisième fois pourquoi on prend la peine d'écrire modèle réduit sur les boîtes de modèles d'avion réduit quand la boîte est grosse comme ma main. Je te dirais, mon cher Nicolas, prends soin de toi. L'hiver est terminé. Tu ne devrais plus avoir à te geler les extrémités dehors. Donc, pour l'instant, prends simplement soin de toi. On a Marie-Pierre qui habite au zoo de Saint-Félicien qui demande « Si quelqu'un te dit qu'il ment absolument sur 100% des choses qu'il dit, est-ce vrai? » Je connais très bien cette question. Et là, ma réponse va peut-être te surprendre. En fait, seul un spécialiste dans la détection des mensonges peut nous affirmer si ce fameux monsieur qui ment à 100% a menti au moment où il a annoncé cette affirmation ou non. Maintenant, on a Pandémie mondiale qui demande « Si vous tapez vos mains ensemble, est-ce que ça va tuer le COVID? » Eh bien, bien essayé, Pandémie, mais je te réponds pas. On a Donald Trump qui demande « Est-ce que c'est correct de regarder l'éclipse solaire à travers un miroir? » Eh bien oui, pour toi, la réponse est oui, Donald. Déjà que tu la regardes directement, tu peux bien la regarder au travers d'un miroir. Ça ne changera rien pour toi. Il y a Eric Simard qui nous a texté de son 4 roues et qui demandait « Si le vin blanc accompagne le poisson, qu'est-ce qui devrait accompagner les sushis? » Eh bien, la réponse est simple, ce sont les raisins blancs. On a Jojo Savard de l'au-delà qui demande « Comment puis-je me protéger de quelqu'un qui veut faire de la projection astrale dans ma salle de bain? » Eh bien, cher Jojo, pour te protéger et pour te recoiffer, il suffit de te mouiller légèrement le bout des doigts et de toucher la prise de courant. Cela devrait recharger ton aura de protection. On a Félix, un grand sage, qui demande « Quel est le nom des biscuits aux pépites de chocolat sans pépites de chocolat à l'intérieur? » C'est une très bonne question, un peu comme le nom du jus de tomate fait sans tomate, et la réponse est proportionnelle à ton imagination, Félix. Donc, à toi de voir. On a Jacques qui demande « Pourquoi y a-t-il des dispositifs de flottaison sous les sièges d'avion au lieu de parachutes? » En fait, c'est simplement que la majorité des crashs mortels surviennent au décollage ou à l'atterrissage. Et on a plus de chances de se protéger avec un gilet gonflable autour du corps que d'un parachute. Et finalement, il y a Bob à la régie qui me demandait tantôt si quelqu'un avec plusieurs personnalités menace de se suicider, est-ce que c'est considéré comme une situation d'otage? Bob, Bob, Bob. Sur ce, les amis, les oiseaux de nuit, où que vous soyez, je vous souhaite le meilleur. Bonne pandémie. J'espère que malgré tout, vous arrivez à passer au travers. C'est évidemment pas facile, mais j'ai pas de solution facile à vous proposer. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur en attendant que ça passe. Et bizarrement, pour une rare fois dans ma vie, j'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau. Donc, essayons de le garder à flot dans les meilleures conditions possibles. Bonne semaine, écrivez-moi si vous avez envie de parler. Sur ce, je laisse Bob vous choisir quelques musiques de son choix. Bonne semaine. years ago when I was born. I crawled from the womb with a drinking horn. I held it to the sky in my tiny metal hand. I got real drunk. Bleigrauer Dunst zieht über ödes Land. schon liegst du da auf einer Bahre, neben dir grinst der Sensenmann. Er spricht zu dir, fragt nach der Wahrheit, wie es dir so geht und ob du glücklich bist. Denn das elfte Gebot gebietet zu leben, als wartet morgen der Tod, morgen ist schon der Tod. Ja, so steht's im elften Gebot. Der Gebote 10, in Stein geschrieben, der Gevatter spricht, sein Strafgericht. Gott ist tot, nur ich bin geblieben und mein Gebot das elfte ist. Denn das elfte Gebot gebietet zu leben, als wartet morgen der Tod, morgen ist schon der Tod. Ja, das elfte Gebot gebietet zu lieben und zu verdienen. Im elften Gebot. Das elfte Gebot. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Denn das elfte Gebot gebietet zu leben, als wartet morgen der Tod, morgen ist schon der Tod, schon morgen der Tod. Gebot! We were the night before the dawn. We were the dawn.